chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain, je m'approchais d'elle, je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi, s'il vous plaît, oui, votre main, et nous suivrons ce beau chemin. Oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, li-li-li-li. Elle me dit, cher Kaboul, je voudrais être une cagoule pour vous suivre à cheval dans les chemins. Moi, je viens d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille et j'aime entendre chanter vos refrains. J'écoute les chansons des plaines, ce sont ceux-là que mon cœur aime, et j'entends de très loin vos mélodies chanter pour chasser mes ennuis. Oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, li-li-li-li. Oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, ti-li-li-li, ti-li-li-li, li-li-li. Oh, diddle-diddle-dee, diddle-diddle-dee, diddle-dee-oh. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains de l'Ouest canadien. Ma ville est Gravelbourg, c'est là que j'ai connu l'amour, et je chante pour la petite fille aux yeux doux. Elle me suit dans les grandes plaines, chaque jour on se promène, et nous chanterons tous deux des mélodies, car nous sommes des grands amis. Oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, li-li-li-li, oh, li-li-li-li, ti-li-li-li, ti-li-li-li. Oh, diddle-diddle-dee, diddle-diddle-dee, diddle-diddle-dee, oh, diddle-diddle-dee, diddle-diddle-dee, oh, hee, hee, hee. Je vais... Merci. Arrête l'album. On dirait que c'est une calèche, pas un cheval en train de gabader. Comment tu vas t'appeler ça, un cheval? Arrête-moi ça. Il se love. Ben non, c'est le serpent qui se love. Le cheval, il bondit. Ah, mon Dieu. Ah oui, arrête le bondit. Non, c'est gabelle bondit. Ah, j'ai le bras fatigué, moi, là. À cheval sur ma guitare. Ah, ben, oh, attends! À cheval sur ma guitare. Dans l'Ouest canadien, je regarde tomber les sangs de vie. Avec les souris, mes hauts, avec les nez, c'est c'est là, là. Ah, téléphone-moi. Appelle-moi. Dis-moi que tu m'aimes. C'est pas le Wally, ça. Non, c'est ni. Ni Wally, ni Nicole. Ah non, c'est ni Nicole. Ni Nicole, quoi, quoi. Quoi, quoi, qui? Ben, je crois que c'est Croisille. Oh! Alors, si tu y crois, c'est la vérité. Oh! C'est pas nécessairement la vérité parce qu'on y croit, mon petit... d'enfant. Pas du tout. La vérité... naît dans l'œil de celui qui observe. La vérité n'est pas la vérité, puisque la vérité n'existe pas. La vérité est un leurre. Dites-leur que c'est un leurre. À qui? Aux gens. Ben, on va le dire. Ben, est-ce qu'on peut parler aux gens? Oui, on peut maintenant, OK. Gens, oui. Gens. Et puis votre voyage? Ah, ça va très bien, mais mon voyage, je peux pas en parler avant la semaine prochaine. C'est les nouvelles séries d'Errance Rénaldienne 2012 en... Ben, de la semaine prochaine, j'allais dire demain. Ah, ça va vite. À demain, de ce soir, hier. Ah, les vendredis avec vous. Hein? C'est fou. C'est qui? C'est fou. Je le connais pas, lui. Ben, c'est fou. Le fou chantant. Charles Bedden. Ah, mon Dieu, pas lui, oui. Avec la mousse dans le nombril. Ah, bon. Comme on l'aime. On l'aime avec ses grands yeux hagards, la mousse dans le nombril, les yeux dans le miroir. Ah! Ah! Oui, yalala, dit qu'avant. C'est pas lui qui chante ça, là. Ça, c'est la Bolduc. Tu te trompes un peu, là, parce que Charles Bedden, là, chante... La mer, on va le long, les... Ouais, mais il chante pas juste ça, non? Il chante la mer nationale. 7. Qu'on chante un petit cachet sous 7. Avec les bandes de PCQ, les 7. C'est pour le but national 7. Avec les enfants. c'est pas bien de me mêler enfants et Charles Bedden. OK. 6 juin. On va commencer par un. Non, 6 juin, inclus. 6 inclus qui? 6, ben, on n'inclut personne, là. Hey, toi, là, relax un petit peu, OK? Est-ce que on demanderait à Mme Sans Chagrin d'arrêter de s'éponger et de le mettre au niveau 1? OK, pas à l'élite. Ben, mets-le pas au professionnel, OK? Alors, novice. Novice, Colin! Oh, hey, arrêtez-vous! Non, mais on l'appellera pas parce qu'il viendra pas. Mais Colin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous raconter l'histoire de Colin. Colin, ça vient de câliner. Exemple. J'aime ça quand tu amènes le propos dans des cas vécus. Ben, c'est ça, exemple. Colin. Tu sors à l'extérieur de chez toi? Ah, mon Dieu Seigneur. Ils vendent beaucoup. Ah, il y a des feuilles par terre. Oui. Il y a des choses par terre. Oui. Il y a des roches, des pierres. Oui. Des bières? Ben non, pas des bières, des pierres. Des pierres précieuses. Ah, mon Dieu. Et là, tu vois un petit oiseau. Ah, non. Le petit oiseau est tombé de son nid. Oh, le nid était où? Ben, le nid était dans l'arbre. L'arbre est dans les sphères. Ah, non, on ne le refait pas. OK, on ne le refait pas. Mais là, il y avait l'oiseau dans le nid. Oui. Le nid est tombé par terre. Non, c'est pas le nid, c'est l'oiseau. Bon, c'est quoi l'histoire? Ben, l'oiseau était dans l'arbre. Oui. Le nid aussi. Oui. L'oiseau est tombé. Oui. Le nid est resté dans l'arbre. Bon, OK. Parce que là, tu as dit que le nid était tombé. Ben non. Je me suis trompé. Ah, oh, t'as le doigt. J'ai le doigt à l'horreur. L'horreur est toujours devant toi. Lorsque je me regarde dans le miroir, c'est l'horreur. Oui. Lorsque je m'entends, c'est l'horreur. Oui. Lorsque c'est l'émission Errance Rénaldienne, c'est l'horreur. Mais c'est merveilleux. L'horreur est merveilleuse. Ben, pour toi, oui. Tout ce qui est négatif, pour moi, est positif. C'est ça. Ben, bravo, t'as tout compris de la vie. Alors, il y a l'oiseau. Oui. Je ne me souviens plus pourquoi je parlais de l'oiseau. Et hey, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On passe à un autre appel. Oui, OK. Hi. Oh, Jacqueline! Hi. OK, Jacqueline, je sais pas si tu peux reculer dans le temps. Ouais. Ben, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 minutes et demie. Ouais. OK. Tu écoutes Errance Rénaldienne? Ouais. Tu l'as enregistré, hein? Ouais. Bon. Est-ce que tu peux réécouter il y a quelques minutes ce que je disais? Ouais. Puis me souffler à l'oreille ce que je dois enchaîner avec le propos dans lequel je me suis noyé? Ouais. Parce que, est-ce que tu l'as senti? Je ne sais pas nager, moi. Oui. Ouais, hein? Puis surtout, je n'ai pas mon maillot de bain. Oui. Mais je sais que ma petite bédaine là, peut faire en sorte que je flotte. Oui. Tu sais, j'ai une petite bédaine, ma belle? Oui. Bon, c'est le nombril qui me sauve encore. Oui. Tout est dans le nombril, hein? Tu le savais, ça? Oui. Bon. Hey, peux-tu l'écouter? Oui. L'as-tu entendu? Oui. Peux-tu me le dire? Oui. Ben, vas-y. Ouais. Parce que là, c'est dans l'oreillette, excusez-nous, là. Ouais. Non, c'est pas ça. C'était non, j'étais pas rendu là. Ouais. Ben, OK, 6 juin, mais c'est plus loin. Mais c'est pas grave, on va garder le 6 juin, madame. Oui. OK. Merci. Raccroche. On y va. Non, mais on continue. Merci. C'est parfait. Hey. Continue. Hey, je vous. OK? Oui? Oui? Ben, il faut le badigeonner, OK? Mais là, c'est pas le... On est en plein émis. On va nous... Parfait. Oui? Oh, oui, je sais, son fils me l'a dit, oui. Mais c'est... Ben, je croyais... Est-ce que je peux vous rappeler parce qu'on est en... Oui? OK. Merci. C'est parfait. OK. Je continue. Raccroche. 6 joints, 3 points de suspension. Oh, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Là, le personnage est revenu. OK. La tragédie est terminée. Oh, la comédie a dell'arte. Non, c'est pas comme ça. La comédie a dell'arte. Des lards, là, mais je placerai ça sur une petite plaque métallique. Oui. Avec de l'huile d'olive. Ah, pas de sel, parce que c'est déjà extrêmement salé. Puis vous savez que les reins peuvent s'arrêter en tout temps. Les reins d'en haut sont déjà... Pour l'émission, vaut mieux que ça bloque. OK. Les reins d'en bas, non, en haut. Faut que la poulie se crampe. Oui. Faut que la corde pète. Oh. Et puis... Faut que la senteur se laisse apprivoiser. Ah, mais comment tu peux sentir ça? Ah, ben écoute. 6 joints! Ah, voilà, ouais, hausse-le. Les... 3 points de suspension et les guillemets soudainement s'érigent jusqu'à la confirmation de la narration. Oh, c'est quoi? C'est du théâtre. Pas en début, de... en début d'émission. Mais là, aucun niveau. Gustave! Je tiens à dire à tous mes étudiants que j'ai eu un jour dans ma vie des professeurs de qualité, oui. Les gens m'ont vu à la télé, je me suis courbé, vous m'avez pas entendu, j'ai éternué. Je suis allergique au théâtre classique parce que je l'adore trop. Je dois le convaincre de me vaincre. Merci. Gustave! Gustave? Oh, avez-vous senti les deux intonations, hein? Il y avait la première, Gustave et Gustave. C'est comme en haut puis en bas. On monte puis on descend. Êtes-vous prêt à monter puis à descendre? C'est du surf théâtral. On continue. Gustave! Oh, tu l'as un peu moins, celui-là. Oui, je sais. Je peux placer mon diapason selon mes sensations. Je peux et je veux que 2 et 2 fassent 3. Ça, c'est Big Brother? Non, c'est c'est 1984. George Orwell. Oh! Les animaux précaires de Barbie et Sébastien. Oh mon Dieu, c'est un beau livre. Très beau livre. Ça, c'est pas vendu. Oh! Gustave! Oui! Non, je dis pas oui, parce que c'est une théâtralité. On parle à personne. C'est l'être imaginaire, puis il répond pas à l'être imaginaire. Il est dans le fond de la salle. Tu entends des gens qui toussent, OK? Mais tu réponds pas. Il y a des gens qui ont la grippe. Au fond de la salle. On met les plus fiévreux dans le fond. Puis les réceptifs au début, comme ça, les autres font... Puis là, mais en avant, font... Parce que c'est une pièce comico-tragédico-dramatico-recto-verso. Alors, Gustave! Tu le dis? On continue. Gustave! Cueille la betterave et pèle-la. Pelle-la, pelle-la, pelle-li, pelle-lo, pelle-li, pelle-la, pelle-po, pelle-pay, pelle-pay, et pelle-pay, les pays va continuer à lire le texte. On m'a exclu, je tiens à vous raconter, avant de m'arrêter moi-même et de me conclure. J'ai tenté de faire l'Académie française. Les Français ne m'ont pas reconnu. Je suis allé au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Le Québec ne m'a pas reconnu. Je suis allé au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et Montréal m'a dévêtu. Gustave! Et puis, je suis nu devant vous. Oh, c'est beau. Gustave, ben c'est beau, c'est laid. Ben c'est mot speedo, puis il y a le nombril, puis c'est ça. Gustave, alors je le Gustave, OK. Cueille la betterave et pèle-la, tout en les plants. Les plants, ben épeler, là, un mot, épeler le mot betterave. Là, je raconte pas tout le texte, là, c'est une grande dramaturge. OK. Cueille la betterave et pèle-la, tout en les plants. Tu verras. Tu verras, Gustave. Ça, c'est le moment dramatique, attention, là. La chute est là. La chute est là. Prenez-les pas, Mme Thibodeau. Laissez la place. Les mots vont glisser. Enlevez-vous de là! Vous allez me... Vous êtes... Oh là! Écoutez, c'est elle, là. Elle coupe l'élan dramatique. Elle freine le personnage à s'exprimer et à envoyer, comme on dit dans le métier, la purée. Ben oui, adore. La péripatéticienne, hier au soir, elle m'a dit ça aussi. Hier au soir, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'art dramatique, c'est l'art dramatique. L'art de la rue, c'est l'art de la rue. Les filles de la rue, c'est les filles de la rue. Et c'est un spectacle vivant. Dans les deux cas, c'est très vivant. Quoi qu'il y en a une plus morte que l'autre, puis il y en a une qui s'en souvient pas. C'est qui? C'est Krasaki. Non. C'est quoi la chute? Non. Tu verras? Okay. Tu verras? Rien n'arrivera. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait depuis tant de temps. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. OK? Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langage rénal gagné. Aujourd'hui est le vendredi 24 août 2012. Les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Amène l'émission. Elle est déjà commencée. Continue l'émission. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école apaise. Apaisons la dualité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'humoriste Sophie Maes. Sophie Maes, alias la presque grande Sophie, se veut une drôle de petite nana. Elle exploite dans son tout premier spectacle la télé qui dépasse toutes les réalités. Le petit écran rend vraiment dingue. Au départ, la télé reflète notre monde. C'est du moins ce que nous croyons tous. La presque grande Sophie, elle, fait du petit écran un monde parallèle avec ses cordes, ses dérapages et son langage. Laissez-vous transporter dans cet univers totalement disjoncté et impitoyable. Une heure d'humour servie avec une grande énergie que vous pourrez voir un jour à Québec. Mais Errance rénaldienne, CKRL, était en juillet 2011 avec elle sur la rue Oberkampf au Café Charbon. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Il faut s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter. Il est temps car la musique nous teinte le tympan depuis trop de temps. L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Son prénom c'est Bonnie. et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Lost lovers and cold-blooded killers. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. To shut down all those screaming monkeys. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. When a bank's blown up for big money. It has to be Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger. Anywhere, downtown or down in the valley. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Je serais Paris quand même. C'est quand même une ville de dingue. Pourquoi? Tu viens d'y répondre un peu, là, une ville de dingue? Parce que déjà, je connais pas non plus toutes les autres grosses capitales du monde. Je n'ai pas énormément voyagé. Je suis allée aux États-Unis, à Chypre, en Suisse, etc. Bon, on fait une dizaine de pays, mais... Jamais en Belgique? Jamais en Belgique. Si, je suis allée à Bruxelles. Okay. Bruxelles. Mais Paris, parce que c'est quand même c'est tellement plein de petits microcosmes, mais c'est pas comme, par exemple, c'est pas comme dans une grande ville comme New York où là c'est vraiment des quartiers, c'est des blocs, c'est quartiers, des ghettos. Little Poland, Little Italy, tout ça, ouais. Des ghettos presque, ouais. Il y a peut-être un ou deux ghettos dans le coin, mais on arrive globalement, ça arrive à se mélanger quand même. Et c'est là où ça se passe, quoi. C'est the place to be. C'est plein de paradoxes. Cette éventuellement, tu vas faire un spectacle en anglais? Ah ouais, oui. Et oui, pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais, si. Si tu étais, c'est ici que ça va se décider peut-être. Si tu étais une langue, Définitivement, je serais l'anglais. Ok, pourquoi? Parce que je suis convaincue d'avoir été un chat britannique qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale dans ma vie antérieure. Ok, tu crois à la vie antérieure? Oui, oui, okay. Oui. J'étais un chat, ça c'est sûr. Je Quelle me suis couleur? Faite, Noir. Poil court, poil long, mi-long. Type petite, de type européen. Ok. Est-ce que tu perds d'être en poil ou... non, tout allait bien de ce côté-là. Mais j'ai un feeling avec les chats, les félins qui est assez dingue. Ok. Je sais qu'ils me reconnaissent. Ah oui. Ah oui. Ok. Et puis Britannique. Non, il y en a pas devant nous pour prouver. Je ne sais pas. Ok. D'accord. Parce que les chats ne traînent pas trop sur Paris quand même. Ok. Mais j'en ai deux à la maison, plus un dernier qui est né d'ailleurs. Ok, voilà. Récemment. Oui, récemment, il a trois semaines. Okay. Tout va très bien, la maman se porte bien aussi. D'accord, et vous aussi? La grand-mère aussi. La grand-mère, oui. Et donc l'anglais, parce que mon premier cours d'anglais le en 6e. Le nom de tes chats en passant. De quoi? Les noms de tes chats en passant. Princesse et Chippy. Et le dernier, je l'ai appelé Survivor, parce qu'elle a eu trois enfants, Princesse, et il n'y a que lui qui a survécu. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est bien. Je l'appelle Survivor. Et son petit côté anglais aussi, là, ton petit côté. Alors, oui, c'est ça la langue, oui? La langue, dès que j'ai eu mon premier cours d'anglais, en fait, à 11 ans, j'ai tout de suite senti que ça m'était familier, en fait. C'est curieux. Okay. Curieux, t'as des ressentis. Donc, l'anglais, définitivement. Ok. Ouais, ouais. Et si tu étais une époque? Je serais les années 60. Pourquoi? Parce que, mais on a l'impression que. J'ai l'impression que tout était tellement plus facile à cette époque. Ouais. T'avais tout qui se reconstruisait, on parlait pas encore d'écologie, on ne parlait pas de planète en train de se... On était en train de la détruire en plus. On était en train de la détruire, voilà, donc c'est le meilleur moyen. Hein. Oui, c'est quand t'es dans la phase de destruction, pas quand t'es dans la phase de dire « ouh ». C'est ça, il est trop tard. Attention, hein. Oui. Mmh. Donc les années 60, et puis je crois que si j'avais croisé les Beatles... Je crois que je les aurais enfermés dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait tous les quatre, mais ils me rendaient dingue, ces gens-là. Ok, tu les aimes. Ok, pas pour les enfermer, histoire de ne pas les montrer. Voilà. Okay. Ah oui. Non, ça a été pour moi une grande, grande date. C'est eux qu'on fait le 21e siècle. Et ta chanson préférée des Beatles? Oh, il y en a tellement. Mais ce serait peut-être « And I Love Her ». Extrait de l'album. Oh là là, mon Dieu. Je ne saurais te dire, parce qu'il y a eu tellement d'albums. Je ne saurais pas te dire le nom de l'album exact. Et c'est ta chanson préférée. Ouais, okay. And I Love. Thank you. Describe the touch. Do you? No, it's the thought. It's warm and yellow and has a ruffle. It's warm and yellow. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots. Excusez-moi, je suis essoufflé. Ben oui, hey! Ah oui? J'ai... Premièrement! Ah non, hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas dit premièrement. Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit d'être essoufflé, monsieur? Ah oui? Bon, merci. Vous, êtes-vous essoufflé quelquefois? Ah oui? Attendez que je finisse ma phrase! Ça ressemble à un spectacle de Jamel Debbouze préfabriqué, là. Est-ce que l'émission est rentrée dans les réels? Est-ce qu'elle s'est... Non, ça peut pas être comme ça, là. Elle couperait au montage, là, aussi de... L'émission, sans bafouillement, ne durerait que 15 minutes. Ce serait merci, bye, à la prochaine. Au revoir. Là, non, à travers ça, on met des gars. D'un gars qui a de la difficulté. C'est ça. C'est un traumatisme langagier. Ah oui? Ben oui, l'avez-vous remarqué? Ah oui? Bon, mais vous ne le dites pas à personne? Ah oui? Oui, à qui vous dites ça? À vos proches? Ah oui? Vous appelez à CKRL, puis vous leur... Ah oui? Bon. Vous êtes dans le? Vous êtes dans le? Ah oui? Bon, je pensais que vous étiez dans le B13. Et dans quelques minutes, vous serez dans les béquilles. cette semaine. C'est violent. C'est vrai. Je peux pas dire le contraire. On va la... Non, non. Vous êtes pas prête à ça? Ah oui? Ah oui, ben, j'aime ça. Vous êtes dans le Sadobrazo? Elle veut pas répondre. Êtes-vous... Ah oui? Oui, vous l'avez pas compris, hein, la blague? Ah oui? Ah oui, bon, vous êtes universellement intelligent? Ah oui? Plus que le genre humain en général. Ah oui? Bon. C'est ça, mais on a une vraie, là. Ils ont devant nous, là, c'est... Non, c'est au bout du fil. Vous êtes au bout du fil ou au bout du fil? Dans aucun bout. Aucun bout? Non. Êtes-vous debout? Ah oui? Bon, c'est bien. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « remplacement ». On peut pas vous remplacer, vous, hein? Ah oui? Ah oui? Est-ce que vous croyez, madame, que le genre humain, en général, peut... Est-ce qu'il peut? Ah oui. Il peut, bon. Et quand il peut, il veut? Ah oui. Vous, est-ce que vous pouvez? Ah oui. Pouvez-vous souvent? Ah oui. OK. Vous êtes positif, vous? Ah oui. Bon. Non, mais qu'est-ce qu'on veut dire? On peut rien dire à une femme positive, là. On la remercie, on la trouve extrêmement intéressante, mais on va piger. Parce qu'il faut démarrer. On sent que... Oui, mais ben, oui, on n'a pas eu le temps. On prenait des photos. Ben oui, mais c'est pas le temps, les photos. C'est une émission de radio. C'est la dernière phrase de démarrage dans le sac de démarrage. Alors, ça se lit comme suit. Se plier à l'extravagance. Hey, ça me remémore une chanson de Jacques Brel. On a sorti un coffret il y a quelques années, il y a 3 ans. Et puis, il chantait une chanson avec élégance. Un inédit. Non, c'est un idiot qui a voulu... qui a tenté de dire le mot. OK. Je pensais que vous disiez que la chanson était idiote. Non, jamais. Jacques Brel, c'est jamais idiot. Vous l'aimez, Jacques Brel, madame? Ah oui. Bon. Il pleut sur Nantes de Jacques Brel. Vous l'aimez? Ah oui. Ah, madame! Vous avez faux! Tout à fait faux! Parce que là, vous disiez le plus sur Nantes, hein? Ah oui. Il pleut sur Nantes. Est-ce qu'on peut l'avoir, la preuve? Est-ce qu'on a la preuve? Non, on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. Elle est où, la preuve? Eh, mais on a caché la preuve. Ah non, ici. Madame, vous nous dites qu'il pleut sur Nantes, c'est un Jacques Brel, c'est ça? Ah oui. Vous le connaissez, Jacques Brel? Ah oui. Vous l'avez rencontré? Ah oui. Non, c'est vrai, il est passé à Québec. Là-dessus, c'est tout à fait plausible. Mais là, lorsque vous nous dites que vous connaissez Jacques Brel avec la chanson « Il pleut sur Nantes », on va vous dire qu'il est totalement... premièrement, c'est pas « Il pleut sur Nantes », la chanson. C'est Nantes. Et Nantes, est-ce que vous allez l'entendre? Si cette voix est Jacques Brel, c'est un travelot. Il a plu sur Nantes. Est-ce que c'est Jacques Brel? Ah oui. Madame, ce n'est pas Jacques Brel. Ah oui. Non. Non, ce n'est pas Jacques Brel. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. C'est une muse. Et elle s'appelle Barbara. Êtes-vous scotché? Ah oui? Gaétan, est-ce que tu veux la décrocher? Parce qu'elle est collée, là, je pense qu'elle va rester là pendant 2 jours et demi. Puis, nous autres, on doit repeinturer demain. Hein? Vous savez, on recommence en neuf. Là, c'est une nouvelle émission. La semaine prochaine, c'est des nouveaux invités. C'est la flagrance 2012, enregistrement 2012. On s'est fait... Ah, on va raconter des histoires, des véritables histoires, pas comme... Je cueille des histoires et je vois que ce soir, la nuit est sombre ce soir. Attends, petit, attends. Je ferai pas mon secret de génie ce soir, mais ce sera des vérités qui sont bonnes à dire. On va peut-être censurer, on va en rajouter, on va mettre du gros autour du mou, là. Hein? Non, c'est pas ça. C'est du gros autour de l'os. Mais là, l'os, le trou. Là, on n'a pas dit de trou. OK, c'est l'os. L'os, oui. Du gros autour de l'os. Du gros autour de l'os. On va en rajouter. On aime ça. C'est une bonne émission pour ça. Là, c'est quoi le mot? Ah oui, c'est se plier à l'extravagance. Depuis quand même le début, les prémices. Est-ce que l'estragon, est-ce que l'estragon est bon? C'est pas l'estragon. Le bourgeon, oui. Avant la feuille, oui, exactement. C'est le printemps, oui, mais là, c'est l'été. Presque l'automne, oui. Qu'arrivera-t-il au bourgeon? Bien là, on l'a éliminé avant la feuille parce que c'était l'hiver, oui. Ensuite, la chaleur, oui. L'arbre a amené des saloperies de bourgeon. Ben non. Oui, parce que je suis allergique. Oh! Et par la suite? Des feuilles. Et puis? Des saloperies de pollen, de pas vivant, de trop vivant. De trop vivant. Et là, ça m'a rentré dans la marine. Ah, mon dos, la marine de l'air? Non, la marine de bière. OK. La marine d'eau. Ben là, oui, c'est d'où ça vient, la marine? Oh, le bleu marine, ça vient... Non, pas... Pas le bleu marine, la marine. La marine me pique. Bon, ben c'est l'eau. L'eau mouvant. Ben voyons donc, ça vient pas du sable. J'ai jamais vu, oui, j'ai vu des bateaux sombrer. Sombrer dans le sable. Non, sombrer dans l'eau. Ils ont coulé. Comme le Titanic. Le Titanic, ah mon Dieu. Il était petit, le Titanic. Tellement petit, là, qu'il pouvait même pas passer à travers les vagues. Il prenait l'eau. Là, il y avait l'autre, là, comment il s'appelle, DiCaprino, là, puis il a glissé dans sa... Ben, parce qu'on savait que DiCaprino, à force de rencontrer Westlet, ben, on la met dans l'eau, OK? Puis là, comment on va faire? Ben, on va s'agripper après. Ben, tout petit! C'est vrai. Et tout petit, et toute belle. Tout petit, toute belle. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la met dans la suprématie hollywoodienne, OK? On l'érige dans les meilleures actrices au monde. Au monde. Il y a la chinoise Han Tingstang qui a fait des films qui ne sont pas très connus puisque... Ce genre d'œuvre cinématographique n'est pas envoyé dans les pays autres que japonais, chinois, maïs, blé d'Inde et patates. Qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, ben attendez, la Chine, oui. Bon, t'es chinois. Ah non, on parlait pas de ça, là. Non, attendez. On parlait de la Chine, ting. OK, ben oui, mais c'est ça, ils sont pas vus ici en Occident. Ouais, vous avez totalement raison. Alors, lorsqu'il n'y a pas de visibilité occidentale pour les gens de chez nous, il n'y a pas raison d'être. Si, on est des nombrilistes. La Terre est grande, la Terre est longue, puis elle n'est pas plate. Non, c'est des ronds. Lundi, mardi et dimanche, jeudi, vendredi, séjour de répit. tu étais un mot? Je serais... Je serais le mot vérité, peut-être. OK. Même certainement, ouais. Parce que c'est vraiment ce qui manque énormément partout. Et c'est le... C'est le... Je dirais c'est la base de tous les mots sur cette terre, en fait. La vérité. C'est... Ah oui, il y a tellement... On se fait tellement de façades, tellement de masques. C'est l'hypocrisie. On est dans une société hypocrite. Mais parce que... Mais les politiques aussi le sont, ouais. Oui, mais parce que quand tu regardes aussi, Rénal, c'est le rapport humain qui est comme ça. C'est obligé. Ça s'appelle vivre en société. Tu peux pas juste croiser un gars en disant « Écoute, ta coupe, elle est à chier. Ouais. Va chez le coiffeur. Ouais. Bonne journée. » Tu ne peux pas. C'est aussi vivre, oui, alors en société... accepter, mais c'est surtout la vérité dans le sens où accepter que ta vérité n'est pas la vérité. Ah oui, c'est surtout ça, quoi. Et moi, je m'attache vraiment à ça en me disant, mais j'essaie de comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon, peut-être des fois qui me blessent, mais je me dis des fois, il y a une expression en anglais qui dit « to be in someone's shoes ». Être dans les chaussures de quelqu'un. Ok, ouais. Et ça, il n'y aura pas d'équivalent en français, mais se mettre dans la peau de... Ça, il suffit juste d'essayer de se mettre 30 secondes dans la peau d'autre et de se dire, ah ouais, en fait, finalement... Je comprends un peu. J'aurais peut-être fait comme ouais, ça. Ouais, je comprends un peu. Donc, vérité. Si ouais. Tu étais un aliment... Ah, un aliment, je serais... Je serais une soupe. Oh. Oh ouais. Au chou, non? Ah oui. Une soupe, mais tu sais, maintenant, il y a des soupes fraîches hein, qui se mangent, des soupes froides. Je serais une soupe parce que moi, j'ai juste besoin d'une soupe pour me... n'importe laquelle, une bonne soupe au potiron, aux légumes, tout ce que tu veux, avec des lardons. Mais c'est le seul... Ça pourrait me suffire comme repas, quoi. Okay. Ça te revigore, c'est pour manger 5 légumes, 5 fruits et légumes par jour, hein, tout le monde le sait. Mais c'est ce là. Que tu fais sans doute. Non, ben, ouais, ouais. C'est pas dans l'alcool, ça compte quand même. Mais là, il n'y en a pas, là, ici. Là. Actuellement, il n'y en a pas. Non. Si... Non, mais on tient à rassurer nos auditeurs. Que... Si, quoi que... C'est un nectar. Non, mais quoi que, pur. Quoi que... On ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Ben non, c'est ça. Si tu étais une saison... Une saison, je serais l'automne. Pourquoi? Plus frais? Ah non, parce que c'est la période de transition. Tu sais que tu vas vers le froid. Non, tout se met en hibernation, tout okay. se prépare. Régénère, okay. tout se prépare à se régénérer. Okay. Alors maintenant, tu peux l'appeler la manche. Moi, c'est ça la différence, la okay. vision de la vie. Mais l'automne, parce que les couleurs sont magnifiques, parce qu'il fait encore beau. Surtout au Québec. Oh, tu connais pas le nom. Ah non, mais c'est fameux, même si tu n'y es jamais allé. Tu as entendu parler des couleurs de l'automne à Québec. Tu écoutes Félix Leclerc. Mais oui. Ou Gilles Vigneault, ou Robert Charlebois, ou bien d'autres, mais pas Céline Dion. Si tu étais un membre... non, mais on va la massacrer ce soir, parce que c'est diffusé le soir. Si tu étais un membre corporel... Je serais quoi? Je serais la langue, forcément. La langue de chez nous? Mais la langue de chez nous, de chez tout le monde, mais sinon tu ne peux pas t'exprimer. Il n'y a que la langue, il n'y a que ce muscle, il n'y a que cet organe qui... Alors que tu trouves quand même assez difficile pour un muet de pouvoir s'exprimer ou si on peut développer autre chose à travers... Ah ben forcément. Mmh. Moi, je pars du principe que un handicap te permet forcément d'aller plus loin. De développer autre chose. D'aller plus loin. Les sourds, les muets, les aveugles, forcément. Tu vois là, par exemple, ce scooter qui passe, ça fait déjà 2 km que l'aveugle l'a entendu. Oui, oui. Nous, vibrations. C'est juste à apparaître comme un parasite. C'est dans ça. Voilà. Donc, on développe d'autres choses. Oui, un parasite radiophonique aussi. Voilà, radiophonique, tout à fait. Dans les brumes, les deux pieds dans le béton. Un samedi soir de pleine lune, on n'a pas vraiment dit non. T'as carré d'as, moi j'ai foule, pack de bière blonde au balcon. Mais moi je te souviens, t'es déjà dans les cartons. suis un pro. Un professionnel du problème. Dépêche, tu vas rater le bus. N'oublie pas ton ours en plus. Un feu sans artifice, j'oublie Séville et Sévis. La fantôme du rez-de-chaussée en peut plus me faire marcher. Marcher est surestimé, les favoris sur faut dire, c'est que toutes les chansons, ou presque toutes les chansons extraites de cet album, Les Nouvelles Aventures de Eddie Mitchell, et sont de Claude Moine. Et donc, j'ai un proverbe. J'ai inventé un proverbe pendant que j'écoutais la chanson. C'est Eddie Mitchell qui fait le moine. C'est Eddie Mitchell qui fait le moine. Claude le moine. Celui qui a écrit les textes de Eddie. Eddie? Roger. Eddie? Roger. Eddie Roger. J'ai pas dit Kenny Roger, j'ai dit Eddie Roger. Okay. Bon, il y a une confusion, comme d'habitude. L'errance rénaldienne, on aime ça ici. L'émission est remplie de confusion. Bref. Toute confusion est bonne à dire à cette émission. C'est rare. Là. Dans la vie tous les jours, là, tu ne peux pas dire à ta colocataire « Je suis confus ». Elle va dire « Ah, ben là, va te coucher. Là, on verra demain. Nous discuterons. » Quand tu vas voir ton psy, tu dis « Je suis confus. » Oh! 2 heures de plus, 195 $, plus 75 $, plus 47 $, plus la prescription, 48 $ et 73 cents. C'est-à-dire des analytiques, des anti-analytiques et des rénalytiques et des errants rénalytiques et des errances rénalytiques et tout ce qui est antique et tout est errant, là, ça monte la note, là. Donc, vaut mieux écouter l'émission, ça coûte moins cher, c'est gratos, 25 $, c'est pas cher. Comment ça, 25 $? Ben, pour être membre de CKRL. Mieux vaut être membre pour guérir de tous nos maux. M-A-U-X. M-O-T-S, M-A-U-X. Ajoutez tous les mots. Tous les mots. Non, on ne les fera pas. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Oh, ça, c'est assez extraordinaire. On va vivre un moment étonnant. Oh, mon Dieu. Ça m'étonne. Et moi aussi. Parce qu'on se dit, lorsqu'il pleut, il éclaire. Oui, mais il tonne. Alors, il étonne. Il étonne. Il étonne toujours, Rénald. Tu es maintenant à ce jour un clown, simplement un clown. Et ton nez est ainsi coloré. Pas celui uniquement de l'errance rénaldienne, de l'errant, puisque dans ce qu'on va... En tout cas, vous allez comprendre. En tout cas. Hey, ça, j'aime ça. Tu parles à quelqu'un, là, puis tu dis « en tout cas ». C'est quand même complexe, là, ce que je te dévoile, là. Ça fait 3 semaines que je vis. Oh, oui, mais en tout cas. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a en tout cas? Attends. Conclue pas là-dedans, là. OK. Alors, j'appelle au téléphone, le téléphone, pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Puis là, lui, il comptait des appels au gramme, pas au kilo. Donc, il fallait pas parler longtemps, 30 secondes. Là. Puis, écoutez, c'est déjà 35 grammes. Oh, mais j'ai dit allô. Ah, ça, c'est 15 grammes. Je t'aime. Ça, c'est 75 grammes. Et puis, adieu. Ça, c'est 2,5 livres. Alors, je devrais jamais dire adieu. Ça vous coûte très cher, là, adieu. OK. Si je dis bonjour. Ah, ben ça, c'est très peu de grammes. OK. Bonjour, je t'aime. Oui, OK. Et vous continuez? Non, je vais enchaîner avec Graham Bell, OK. Entrons. OK, éduqué, OK. Entrons en relation auditive avec quelques-uns, oui, ou quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose, OK. OK, éduqué, OK. Qui nous dévoilera peut-être la face cachée quand je fais le bruit de mon naseau. Oui. Comme le cheval. Ah, tu te sens comme un cheval? Non, je me sens pas comme le cheval, quoique... J'ai rien du cheval. Absolument rien. Pas la crinière, simplement la crinière. Même pas les œillères. Et le reste, bon, on oublie. Alors donc, qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité? Là, à cet instant, nous rejoignons. Les gens n'ont rien compris. Ben oui, on est en communication téléphonique avec Claude Dolaz. Quelqu'un qui n'est plus ici. Donc, il est lassé de ne pas être là. Oui, alors il est dans la plénitude de l'infini. Oui, mais il est dans l'eau de l'as. OK. Bon, alors, nous allons communiquer avec notre ami. Il ne sait pas encore que c'est mon ami. Il n'a jamais su. Mais là, il va le savoir. Michel Colucci. Oh, Michel Colucci! Qui? Non, j'ai dit Michel Colucci. Oui, mais c'est qui, Michel Colucci? Attends un peu, là. Tu me dis... Attends un petit peu. Tu me demandes... Tu me dis, tu me poses la question, qui est Michel Colucci? On va mettre de l'écho parce qu'on monte en haut. Quand on monte en haut, c'est l'hélium, hein, ça se transforme. Michel Colucci. Oui, vas-y. C'est une sauce à spaghetti? Non. C'est un humoriste. Oh, Colucci. Oui. Colucci, Colucci, Colucci, Colucci. Coucou, le coulou, coucou, Ciao Pampin. Coluche. Humoriste français. Né un jour. Et mort pour toujours. Mais jamais, jamais, jamais, jamais, jamais oublié. Puisque l'on en parle aujourd'hui maintenant. Alors, on va rentrer en communication. Oh mon Dieu Seigneur. On est prêt? On est prêt. Je suis comme un peu... Non, t'es pas comme un peu. Je suis dans un stress constant. Oui. Depuis 45 minutes parce qu'on sait qu'on est en communication avec lui. Coluche, ça va? Oui. OK. Coluche, je sais, on t'a fait attendre 45 minutes. T'étais, on doit le dire, t'étais avec Claude Nougaro et Serge Gainsbourg, puis on vous a placé au bord du firmament. Et je sais que il y a le barman du film. Et attendez, le Shining de Kubrick qui vous servait de la boisson. On m'a dit fruitée. Mais fruitée, après combien d'années, je ne sais pas. On sait que le fruit se change tranquillement en alcool. J'espère que ça n'a pas. Que ça, comment? Attendez. 350. Ah ben c'est vrai qu'en haut, c'est plus long. Là. Alors, je comprends que vous soyez comme ça. Est-ce que je peux te tutoyer, mon cher ami Claude? Non, t'as peu pas Claude. Ah, oui, je sais. Tranquille. Coluche, est-ce que je peux te tutoyer? Oui. OK, alors tu vois... merci, moi non plus. Je vois aucun problème là-dessus. Tu as fait carrière en France dans les années 80. Tu t'es retrouvé dans une troupe... Attendez, tu peux, mon Jean-Claude, il va pomper sa pompe. Non, je pompe pas mal. Dépompe ta pompe. OK. Gaétan, dépompe sa pompe. Oui, mais c'est le soluté, là. OK, on y va avec le soluté. Madame, vous êtes là? Oui. OK. Oui. On y va. Coluche est là. OK. Coluche? Oui. OK. Coluche, tu as fait carrière en France? Oui. Et comment tu t'es senti devant un public quand même qui était intéressé, mais aussi outragé par le succès que tu avais? Est-ce qu'on peut appeler ça de la jalousie? Oui. OK. Mais au cours de ta carrière, tu as remporté beaucoup de contre-coups, hein? Enfoiré, moi. Excuse-moi. Oui, mais... Coluche. On t'a dédié un film il y a quelques années, tu te souviens? Enfoiré, ouais. Oui, on se rappelle de tout ça. Les gens ont vu là-dedans quand même un accomplissement, surtout... Comment t'as dit? Un accomplissement. Oui, mais comment... Non, ça s'est enfargé. J'avais trop de salive. Tu savais, Coluche? Oui. Ben, merci. Je m'attendais pas à cette question-là. Ben oui, mais ça, c'est de l'improvisation. Puis là, c'est Gaétan qui est au comptoir final. Elle a de la misère à gérer. Non, elle digère. Non, elle gère pas, elle digère. Arrête de digérer, ma belle Gaétane. C'est pas Gaétane, c'est Rosanne. Rosanne Roxanne. Coluche? Comment ça se passe en haut, là? Enfoiré, moi. OK. Alors, tu as du plaisir? Un plaisir fou? OK. Écoute, on va revenir après la chanson? Non, je pense que la communication ne sera pas très bonne. Hein? Coluche, Michel, merci de m'avoir rencontré. Et puis, on se retrouve dans quelques temps en haut. Garde-moi une place. Puis, oui, je dirais pas des noms, là, mais si eux montent avant moi, ben avec Serge, tout le monde. Brassens, Brel. Brel est là encore? Je sais, tu peux pas les nommer parce qu'il y a une Cour suprême en haut. Les gens savent pas. Non, mais ça semble un peu con parce que nous, on est en bas. En haut, on ne sait pas ce qui se prépare. On sait que c'est le néant, mais le néant, c'est grand, le néant. Il y a des couloirs, il y a des corridors, puis il y a des rangées surtout. C'est un peu comme quand tu rentres dans un supermarché. OK? Il y a la rangée A, la rangée B, la rangée C, puis en bas des rangées, il y a comme une pancarte qui te dit ce qui se trouve sur cette rangée. Exemple. Rangée 3, savon, savon à main, savon à vaisselle, savon, savon, savon pas où est-ce que ça en va, mais savons-nous par là. Bon, alors là, on passe par là. Mais comme il y a du savon, puis les gens ont goûté, ont essayé, puis ils ont pété de la broue, ils s'en ont échappé par terre, c'est glissant. Alors, on se pète la gueule. Et quand on se pète la gueule, on rit pas. On pleure. Puis quand on pleure, ben il n'y a pas de chute. Non, il y a, ben oui, il y a une chute. On glisse dans le savon. Alors on pleure. Ben c'est ça, je l'ai dit. Comme le saule. Le saule, là, oui, mais le saule ne fait pas que pleurer. Ah, c'est vrai, le saule sauve la planète. Ah, mon Dieu. Deux morceaux de robot, ah, ça vaut pas la peine. Et maintenant, Pauline Béton vous interprète « Oh, les livres de fesses ». Après 8 tours de quartier, je me suis décidé à entrer à des sourires aux caissiers. Vu que je suis pas un habitué, un habitué, un habitué, oui. Un habitué. Je veux y être l'auto-journal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui met vraiment le moral, c'est plutôt les livres de fesses. Les livres de teux, les livres de fesses. Oh, les livres de fesses. Insensiblement, je m'éloigne vers des lectures un peu moins sages. Il va falloir une bonne poigne pour pas faire trop de rayonnage. Oh, le rayonnage! Un bref coup d'œil circulaire va lui permettre de foivir le spécial gros chien d'enfer avec lequel il va s'enfuir. Il va fanfan, il va fufuir, ah, oh, il va s'enfuir! Enfin, j'arrive à la caisse et j'achète le télé 7 jours. Parce qu'avec les livres de fesses, ben, il faut quelque chose pour mettre au tour. Pour mettre au tour, pour mettre au tour. Ah, oh, pour mettre au tour! Alors, télé 7 jours, 25 centimes, pantouze 7,50, prends-moi salope. C'est combien, Solange, prends-moi salope? 15,20! T'as mis une poche plastique? Ah non! Puis-je pas transport en commun? Mais en m'agrippant à la barre, les revues me glissent des mains! Au moment où le train démarre, où le train d'été, où le train m'amarre! Oh, le train démarre! Oh, c'est dégoûtant, tiens, voilà ce qu'ils font de la France, c'est des gens comme vous, des gros bons! Oh, c'est pas non! Ah ben, ils sont dégoûtants, les gars! Et puis voilà, par exemple, ma petite taille, si on peut le voir comme un handicap entre guillemets, me force à justement développer autre chose. Eh oui, effectivement. Maintenant, c'est une vision de la vie. Heureusement que tu prends pas le métro. Pourquoi? Monsieur, je prends le métro, ah ouais, bien sûr. Et puis, c'est pas compliqué. Ben à 17h, j'ai les odeurs corporelles. Oui, effectivement, c'est incroyable. Si tu souhaitais un moment de la journée. Je serais certainement pas le réveil. OK. Et puis quoi, le réveil, c'est quelle heure le réveil? Ah, mais ça dépend. Quand je dois aller bosser tôt, c'est 5h, levé. OK, c'est t'as plusieurs boulots, t'as un boulot... Oui, j'ai un boulot alimentaire quand même. Okay. Mais parce que 5h, c'est généralement l'heure à laquelle je me couche souvent. Okay. Par contre, j'ai dû être vampire aussi dans une vie antérieure. Un chat vampire? Une vampire, parce que je déteste me coucher quand je vois le jour se lever. Okay. Ça me fout un spleen, un spleen total. Donc là, je vais me coucher en... Oh, je me dis, mince, je commence à voir les ombres apparaître. Là, dans je vais me coucher, je ne supporte pas. Ouais. Ça me dit, parce que je me dis, la journée va certainement déjà avancer, tu as perdu du temps, voilà, etc. Ouais. Donc je ne serai pas le matin, je serai certainement la nuit. La nuit. Ah oui. Avant le lever du soleil. Oh oui, ben ouais. Parce que là, c'est l'anxiété qui... Ouais. Qui à partir, on va dire, de 22h, de 22h à 5h du matin. Alors, un spectacle peut-être éventuellement ouais, à nocturne. Heures, oui. Si tu étais... Pour les vampires. Ben oui, ben que tu étais, que tu fus un jour. Si vous étiez, et si tu étais un autre individu? Je serais Florence Foresti, tiens. OK, pourquoi? Juste pour savoir ce que ça fait... d'arriver à un tel niveau de maîtrise, telle popularité, et pour connaître son chemin, justement, voir un petit peu. Et pour moi, c'est un modèle de parcours, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est assez complet. Et depuis, alors maintenant que vous avez votre culture, nous, je parle de la culture en France, la culture humoristique, honnêtement, on n'avait rien eu de nouveau en termes d'humour féminin depuis Muriel Robin. Mmh, oui. La première fois que j'ai vu Florence Foresti, je me suis dit, c'est quoi cette copie de Muriel Robin? Dans les tonalités, dans la façon. Et en fait, quelques années après, je me dis, mais depuis, en fait, on n'a rien découvert de nouveau, réellement. Il y a une scène un peu girly émergente en ce moment sur Paris, qui va peut-être amener un nouveau mouvement, mais qui a été réellement découvert comme big star, en fait, depuis Florence Foresti. Personne. Alors, c'est difficile pour les femmes humoristes. C'est pas ça, c'est que il y a. Ça, je sais pas si ça se commande, mais il y a des périodes où justement tu apportes quelque chose. Et elle, quand tu regardes, il y a des. En fait, moi, mon repère, tu parlais tout à l'heure de Coluche, mon repère pour savoir qui est en fait a fait la différence sur la scène, tu regardes dans les conversations courantes quelles sont les expressions récupérées. Oui, oui. Hein? Coluche, t'en as des tas. Enfoiré. Et enfoiré, c'était un terme, mais avant lui, un terme, tu disais quelqu'un enfoiré, mais il te foutait une baffe, c'était une très grosse insulte. Il a réussi à faire d'enfoiré un truc affectif. Ça, c'est fort. Il y a des expressions, fier comme un bar tabac, par exemple, ouais. ça vient d'un de ses sketchs, bon, pour notre génération, peut-être que des... Oh, mais oui. Voilà, oh, d'arriver oui. à Il y a inclure... des inconditionnels de Coluche à Québec, mais, au Québec. Mais ici aussi. Oh, hein. Oui, c'est comme Pierre Desproges. Mais bien sûr, on redécouvre Pierre Desproges ici. Mais chez nous, je crois qu'il est encore plus connu que c'est Pierre Desproges. Possible, oui. Ouais, ouais, c'est un niveau d'humour intellectuel assez, assez puissant. Assez fort. Ah oui, ah ouais, non, complètement. Par contre, j'étais assez imperméable quand j'étais jeune à Pierre Desproges. Ben, c'est ça, c'est un niveau intellectuel. Ouais. Donc c'est un certain âge qu'on peut. Ça graffigne un peu le cervelet. Ouais, exactement. Et donc, Florence, tu te rends compte dans les langages courants qu'il y a des choses qui sont reprises. Il y a des expressions, des mimiques qu'elle fait qui sont forcément reprises. Effectivement. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis, on n'a rien eu de neuf vraiment depuis. Alors toi, c'est Florence Foresti. Oui. Mais voyez-vous, ça va trop vite, n'allez pas si vite. Mon vieux numéro. Il y avait les drapeaux du grand soir, il y en avait des rouges, il y en avait des noirs, aussi loin que je me souvienne, loin, quand les missiles montaient tout droit. Longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. croire que je changerai le bleu du ciel. Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Moi qui vis dans un monde virtuel. Explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Peur si je me glisse dans votre imagination. Votre imagination. Votre imagination. Hey, écoute, donc, je termine par mon flop. Allez, annonce. C'est merveilleux. Mon flop 2011. OK. Comme folie, qu'est-ce que tu voudrais exécuter à mon émission? Ah, qu'est-ce que je pourrais exécuter? Une impro avec des gens que je découvre, que je connais absolument pas, je découvrirais sur le plateau. Okay. 3-4 personnes, comme ça, que je découvrirais. On se lance dans une impro avec un thème comme ça, lancé. OK. Ça pourrait être lequel thème? Oui. Mais ça serait le public qui donnerait ça, ou ça serait sur le dernier moment. Tu OK, mais pas. Toi, là, sur le champ? Ça pourrait être, par exemple... allez, pourquoi pas une discussion sur la réincarnation? Okay, allez, oui. Ou alors... Oui, la réincarnation, oui. Voilà, ça pourrait être ça, pourquoi pas. Allez, le chat. Allez, le chat. Miaou! Oui, mais tu t'es rendu compte que, sans doute, t'étais chat à cause du fait que t'avais beaucoup de chats dans la gorge ou si... Tu rigoles, mais j'ai souvent des chats dans la gueule. Ah oui? Ah, c'est les chats et moi, c'est une grande histoire. Non, c'est des convictions personnelles après. Alors, j'aime beaucoup faire croire aux gens, de façon très sérieuse, parce que j'étais comédienne, ben oui. Que j'ai vécu des séances de rebirth. OK, oui, on appelle ça de... en français... La Renaissance. Oui, mais nous avions un hurluberlu québécois qui disait c'était... Ouais, Renaissance, mais il y a un terme encore plus précis. Vas-y. Oui, c'est un hurluberlu. Je sens mal. Non, plus personne ne le connaît, même au Québec. Ouais, c'est le fait de se remettre en fœtus et de renaître, c'est ça? Oui. Ah, ouais. Est-ce que tu l'as vécu? Non, jamais, non. Mais tu pourrais faire sur scène? Pourquoi pas? Ça, ouais. C'est une très, très bonne idée, ouais. Mais j'aime bien faire croire aux gens, très sérieusement. Alors, à l'intérieur, tu es explosé de rire, hein. tu rigoles, oui. Mais tu gardes une face très sérieuse en leur expliquant que, attention, hein, faut pas non plus se mettre dans les mains de n'importe qui, il faut quelqu'un en qui on a confiance, ça peut être dangereux. Et moi, grâce à ma séance de rebirth, j'ai pu découvrir que j'étais un chat, en fait, dans une vie antérieure, etc. Et là, Au départ, bien sûr, ils ne te croient pas, mais comme tu arrives à garder ton sérieux, etc., et à la fin, ils en sont convaincus. Oui, parce que, en fait, les réflexions que tu amènes, c'est plausible. Donc, ils vont te croire jusqu'à la fin. Et là, le clou du spectacle, c'est « Surprise, c'est pas vrai! » Je leur dis même pas! Leur dis même pas! Oui, mais là, derrière, une fois que vous vous quittez, eux vont raconter ça à d'autres. Oui. Ben oui. Oui, oui. Ah, puis toi, ça te dérange pas? Non, c'est pas grave. Oui, mais si à un moment donné, quelqu'un te croise en sachant que tu lui Mais avais... c'est pas grave, c'est la grande illusion de la vie, ça. Ah, OK. Tout le monde a une image fausse de tout le monde. OK. Donc, c'est voilà. Un grand spectacle, la vie. Et c'est une grande scène. Tout le monde est acteur. Un grand foutoir, Est-ce que c'est un foutoir ou un grand spectacle? C'est un grand spectacle, moi, je dirais. Okay. Un grand, grand spectacle. Tout le spectacle monde est de la vie. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, tout le monde est acteur sans s'en rendre compte. Et ça vaut la peine de la vie pleinement. Ah, même 10 fois, oui. Ah oui, ah oui, oui. Eh bien, Sophie, merci d'être passée à mon émission, d'avoir laissé une trace à Errance Rénaldienne. Et puis, éventuellement, nous te verrons à Québec. Il y a des petites salles intimistes de 100 places, 150 places. Et c'est peut-être avec cet écho que je fais entendre aux auditeurs que... ça se poursuivra. Eh bien, écoute, Inch'Allah, comme on dit en Auvergne. Oui, oui, ben oui, effectivement, Inch'Allah, comme on dit. Alors, c'est un plaisir. Moi aussi, Renan. À la revoyure. À la revoyure, complètement. Bye. Bye. Alors là, il va falloir que tu m'expliques. Dis-moi tout. Toi, c'est à 18h30. Oui. OK. Moi, j'ai une rencontre à 16h. Ouais. Non, à 16h30, et je devrais arriver à 18h30. Mais est-ce qu'il y a une première partie? Non. OK. Non, non. Et c'est vraiment 18h30? Ouais, 18h30, ça dure une heure. OK. OK. Je suis sûr à 99,9. Ça dépend du guitariste. Comme là, on devait avoir 90 minutes, et on est rendu à 110, donc 9-10, il y a 20 minutes de plus. Ouais. Donc, ah oui, OK, je vois. Mais sincèrement, je crois que je vais pouvoir. D'accord. Parce que je prends le métro juste ici, là, ouais. À côté. J'en ai pour 5 minutes à oui, pied. Ouais, ouais. Et donc, c'est 2 arrêts. Et j'arrive à Pigalle. Ouais. Et je débarque. Donc, c'est quelque chose comme... C'est faisable. En partant d'ici, c'est 15 minutes. Chrono, 15 minutes. Et donc, je sais très bien où est-ce que ça, où est-ce que c'est parce que tu m'as amené des points de repère. Là. Mm. Ici, au pire, je peux pas y aller. OK. T'es là encore dimanche d'après, non? T'es reparti après? Non, mais tu m'as dit que demain, t'avais quelque chose? Oui, le Comic Nana Band. Oui, alors je regarde. Ah oui, OK. Et si j'ai des problèmes de compréhension, je vais t'appeler. D'accord. Qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial. Maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'Africaine occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur de peau. La vie est une machine africaine. Les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés niqués de la tête aux pieds. Génération très très marquée. Maman, sa mère consternée. À cette époque où faire l'amour est un danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher Nick sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur de peau. La vie est une machine africaine. La vie est une machine africaine. Où les affreux n'ont pas d'affront. Oh, oh, oh, oh.

Sophie, d'être passée. Ben, de rien. Et c'était incroyable, et ça que le public va prendre son pied. Ben, j'espère, c'est vraiment très gentil. En tout cas, voilà. Ben, très sympa aussi à toi, Rénal. Je te dis, t'as rendez-vous encore là, c'est le point de rendez-vous? À 16h30, c'est ton bureau, en fait. Ben, avant, non. Avant, c'était épouvantable. J'en faisais moins. Je devais aller un peu partout à Paris. Oui, non, c'est vrai. Mais là, j'ai dit, je vais prendre un point de repère. Et il y a un guitariste ici, Yann, okay, qui a travaillé avec Alain Bachon, qui a travaillé avec Jacques Cousin, qui m'a dit, ici, là, c'est l'endroit où tous les artistes se rencontrent. Allons-y donc. C'est bien, ça. Ben oui. Ben non, mais c'est mieux, C'est ici au charbon que tous... Après 20 ans, là, il y a des gars, il y a Miossec qui passe ici. Il y a plein de... Ah ouais? Oh, oui. Ben, comme ça, j'aurais découvert. Ben oui. Je suis passée, mais je ne me suis jamais arrêtée parce que le café de Paris est un petit peu plus loin. Mais essaye en passant à 20h30. Évanouis-toi, tu vas voir que Miossec va venir. Ben oui. C'est vrai. J'en ai l'idée, non, par contre. Ni Céline Dion. Céline, elle, c'était à Las Vegas. Mais je suis un peu déçue que tu... Que j'aime pas la Céline? Non, c'est pas que t'aimes pas, tu as le droit de pas aimer, mais c'est quand même une belle personne, quoi. Belle personne? Ben, une belle personne dans le sens intérieur, à l'intérieur. À l'intérieur, je pense. Elle maintenant, était quoi avant? Il y a beaucoup de... elle, qu'est-ce qu'elle était? À mon avis, ça peut être une plante. Une plante? Un lys, un beau lys. Ah oui? En fait. Ah. Peut-être un beau lys. Qui criait? Peut-être. Ah ben oui. Parce qu'Alice, tu sais, Alice, ça a le truc bien ouvert. Eh oui, donc, oui, prêt à... Combien je dois, s'il vous plaît? Non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Oui. Alice qui gueule. Alors, c'est le premier Alice qui gueulait. Céline Dion. Elle admet qu'elle a quand même fait des efforts là-dessus depuis des années. Elle fait moins de démonstrations vocales. Ben, elle pleure moins, elle gueule autant. Mais je l'entends moins à Québec parce qu'elle est à Las Vegas, donc c'est merveilleux. Ça ne fait pas saigner les tympans. Voilà. C'est épouvantable. Si on a l'équivalent en France, on a Lara Fabian. Oui, mais Lara Fabian, ok, c'est une Belge qui a vécu toute sa vie à Québec, au Québec. Ah bon? Toute sa vie au Québec, et depuis 6 ans, elle est partie à Paris et vous l'avez découvert. Mais elle était, elle a grandi à Québec. Et un type qui s'appelle Franck Olivier. Est-ce que tu connais Franck Olivier, qui est mon ami Facebook, que j'ai rencontré à Montréal, a écrit le premier album de Lara Fabian. C'est clair aussi. mais j'adore Franck Olivier, mais Lara Fabian, c'est de la merde. Voilà. Ah non, mais selon moi, c'est juste ma vision du monde. Non, mais c'est clair, mais je suis pas fan particulièrement. Mais moi, c'est beaucoup plus Richard Desjardins. Richard Desjardins est pour moi la représentation du Québec actuel. Est-ce que tu connais Richard Desjardins? Je connais l'acteur Jean Dujardin. Non, c'est Richard Desjardins. Richard Desjardins. Oui, qui est un grand poète québécois. Et Francis Cabrel a repris une chanson de Richard Desjardins. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Est-ce que tu la connais? Ça me dit quelque quand chose. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Ça, c'est une chanson à nous. D'accord. Qui nous a piqué. Okay. Ça, on nous pique plein de choses. Okay. En disant que c'est français, mais c'est pas français. C'est vrai, en plus. Ben oui, c'est, vrai, c'est... Oh, c'est vraiment dément, mais comme on a l'humilité, nous, hein, imperméable à tout, donc on accepte ces gens-là. Et donc, Richard Desjardins est aujourd'hui à la Flèche d'Or, ce soir, à 20h30. Donc, c'est un grand Québécois. Je pourrais nommer aussi d'autres noms, mais plus archaïques. Là, Gilles Vigneault, Robert Charlebois. Gilles Vigneault, j'ai grandi avec Gilles Vigneault. Diane Dufresne aussi. Diane Dufresne, ça fait vraiment. Gilles Vigneault, mes parents, il y avait un album qu'on passait en boucle pratiquement. Lequel? C'est sûr, il y avait... Le Petit Bonheur. Il y avait Le Petit Bonheur. Écoute, il était tout simplement en trois quarts sur sa pochette, okay. Là, un fond noir. Oui. Il était avec son pull bleu. OK, oui, de laine, bien sûr, c'est un Québécois. Donc ouais. c'est, oui. Et... Bozo, est-ce qu'il y avait les Bozo? Oui, il y avait Bozo, oui, c'est ça. Oui, il y avait celui-là. Et ton père adorait. Ouais. Non mais pardon, moi j'étais versée au Maxime Le Forestier, ah oui, les chansonniers. Vigno, des textes. Ah oui. Surtout ça. Jacques Brel. Ouais. Ah oui. Ouais. Moins Gainsbourg, ouais. Non, c'est vrai que pas. Moins Gainsbourg, beaucoup ouais. Moins Gainsbourg. Ben oui, provoquant. C'est bizarre. Non, c'est pas de l'histoire provoquée, mais c'est de. Pour moi, il y a la provocation intelligente et la provocation qui tourne autour du sexe tout le temps, ça me saoule. Ah oui. Ça me saoule. Oui. C'est pour ça qu'il y a pas mal de rires aussi. Pour moi, c'est le rire facile. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça, mais non, j'ai dit non, je connaissais cet album-là, il était excellent. Félix Leclerc. Oui, aussi. Ouais. Ok, ouais. Ouais, ben, écoute, je suis sûr à 99% que je vais passer.